Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 18 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. La promotion du transport et du commerce par le lac Tanganyika sont certains points qui sont en train d'être analysés par les parties prenantes au niveau de l'Afrique. L'insuffisance des éco-gardes dans le parc national de la Rusizi et celui de la Kibira sont certaines des entraves pour une bonne surveillance de ces écosystèmes. Et ce mercredi et jeudi, la brasserie récupère les emballages et les boissons qui venaient de passer presque 4 ans enfermés dans le stock au chef-lieu de la province Karoussi. Et cela suite au litige qui l'oppose toujours à son gestionnaire. Et des enfants en situation de rue se manifestent encore au centre urbain de Muyinga et se méfient de toute personne qui s'approche d'eux. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Rebonjour. La promotion du transport et du commerce par le lac Tanganyika. Voilà certains points qui sont en train d'être analysés par les parties prenantes au niveau de l'Afrique dans un forum qui se tient à Bujumbura. Jacques Wigirimana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire du Burundi, fait savoir qu'il sera question aussi d'analyser comment harmoniser la législation dans ce secteur. Et la délimitation et l'aménagement des embouchures des rivières se jetant dans le lac Tanganyika et l'aménagement des espaces de pâturage des hippopotames font partie des propositions contenues dans le plan d'aménagement et de gestion intégrée du littoral de ce lac. Joseph Nifacha, qui a donné l'exposé de ce plan proposé par le ministère en charge de l'Environnement, parle d'un plan conciliant les volets économiques et touristiques ainsi que la protection de l'environnement étalée sur 4000 hectares. L'insuffisance des éco-gardes dans le parc national de la Rusizi et celui de la Kibira sont certaines des entraves pour une bonne surveillance de ces écosystèmes. Je le disais, la direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement reconnaît que les effectifs de ces personnels spécialisés devraient être majorés pour une bonne protection de l'environnement. En attente du recrutement, la gestion participative des aires protégées constitue un recours pour la protection des parcs comme celui de la Rusizi et celui de la Kibira. Un reportage signé Moïse Misago. Le parc national de la Rusizi, s'étendant sur plus de 6000 hectares, est surveillé par 8 éco-gardes. La responsable chargée de cette surveillance trouve que cet effectif est réduit et constitue une entrave pour un bon déroulement de leur activité. Pierre Nhamourie est l'un des responsables des éco-gardes de ce parc de la Rusizi dans la province de Bubanza. Ici, nous avons le nombre de 8 personnes. Cette situation se présente aussi au parc national de la Kibira dans la province de Kayanza. Eli Bigirimana, responsable du secteur Gwegura, indique qu'ils sont au nombre de 30 éco-gardes, un effectif réduit selon lui, vu l'étendue à surveiller. Oui, ici on travaille du jour au jour pour protéger la Kibira. Donc, nous sommes au nombre de 30 pour le secteur Gwegura. Et on travaille du jour au jour, du matin au soir. Le directeur du bureau provincial pour la protection de l'environnement à Kayanza a transmis cette question à ses supérieurs. Abel Nzigayo précise qu'il y a 64 éco-gardes pour surveiller ce parc, un effectif réduit selon lui. Nous avons un nombre de 64 gardes forestiers. Avoir la superficie du parc, je dirais que le nombre des gardes forestiers est insuffisant. Donc nous lançons un appel vibrant au gouvernement et aux partenaires du gouvernement de nous appuyer à ce qui est du recrutement de nouveaux gardes forestiers pour la bonne conservation du parc national de la Kibira. La problématique du manque d'éco-gardes de surveillance des parcs a été transmise au ministère de tutelle selon le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Berkima Satungimana informe que la gestion participative des populations environnantes a été un recours. Bon, c'est pas le Coco, c'est pas Kibira seulement. C'est presque sur tout le territoire national. Mais pour parier à cela, il y a une ordonnance ministérielle que notre ministre vient de signer et porte sur la gestion participative des aires protégées. Là, dans cette ordonnance, donc nous insistons donc sur le rôle donc des communautés pour la protection de l'environnement. Mais parallèlement à ça, nous sommes en train d'initier donc la surveillance avec donc les machines, la surveillance donc électronique. Le parc national de la Kibira s'étend sur une superficie de 40 000 hectares. Il est composé de 4 secteurs, à savoir Teza, Musigati, Mabayi et Gwegura. Moïse Misago parle maintenant infrastructures routières. Les habitants du quartier Ngagara 1 en mairie de Bujumbura se réjouissent du pavage de la rue Yanghona. Malgré cela, ils demandent au gouvernement de réhabiliter d'autres rues abîmées. Le chef du quartier René Ngurutse appelle les habitants du quartier Ngagara de bien maintenir cette rue. Audrey Akimana. C'est l'avenue Yanghona du quartier Ngagala 1 où les travaux de pavage ont été achevés il y a à peu près 2 semaines. Les habitants de cette localité se réjouissent. Ils expliquent qu'auparavant, cette avenue était impraticable. La réhabilitation a été bonne. Nous remercions celui qui a participé à ce que cette route soit réhabilitée. Alors, c'était totalement sale, la route était impassable. Vous voyez qu'il n'y avait même pas de liaison avec la route du Mrajibitoke. Nous apprécions positivement ce travail car cela a été réalisé sans espoir parce que cette route était impraticable. Mais jusqu'à présent, vu ce qui a été fait, c'est bon et ce n'est pas comme avant. Quand il a plu, les eaux stagnantes empêchaient nos visiteurs d'arriver chez nous. Même point de vue avec le chef de quartier René Ngurutse qui interpelle ses habitants à bien entretenir cette infrastructure publique. Quartier 1, la route Autovu et Yanghona était la route impraticable à cause des eaux stagnantes ainsi que des eaux passant dans les tuyaux pour donner accès au passage des eaux usées qui sont déversées dans les routes. Nous avons été contents en attendant ce projet. Les habitants devaient protéger la route car ça leur appartient. Ces habitants de Ngagala 1 demandent au gouvernement la réhabilitation des autres routes endommagées, telles que le boulevard Général Adolphe Nshimirimana. Audrey Yakimana, on reparle encore du lac Tanganyika. Après le constat malheureux des experts sur la baisse du rendement des produits de pêche dû à l'exploitation des zones où se reproduisent les poissons au lac Tanganyika, l'ONG Latafima a organisé depuis mardi 16 août à Uvira un atelier régional pour l'analyse et la consolidation de ces données. Il sera aussi procédé à la définition des stratégies pour la protection des zones de reproduction pour poissons, d'après Sylvain Toussanga, directeur exécutif de Latafima. Correspondance de Jérémy Kohima depuis Uvira. Organisé par l'autorité du lac Tanganyika dans les domaines du poisson, ce projet intitulé Latafima reçoit des experts venus du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie et de la RDC pour l'élaboration d'un programme d'action détaillé de protection et de gestion des zones de frayères. C'est ce que nous a fait savoir M. Sylvain Toussanga, le directeur exécutif de Latafima. Les 4 pays riverains du lac Tanganyika ont validé une charte portant les mesures de gestion durable de la pêche au lac Tanganyika. Dans cette charte, il y a un article qui interdit de pêcher dans certaines zones interdites, dont spécialement les zones de reproduction des poissons. Donc, il était normal qu'après avoir vulgarisé cette charte, que nous puissions nous retrouver pour analyser les résultats des études antérieures qui ont été menées pour la protection de ces zones. Ces zones sont des endroits fragiles où les poissons génitaires se concentrent. Les conséquences de cette pêche dans les zones de reproduction, selon M. Toussanga, c'est la baisse des rendements. Les rendements des pêches ont sensiblement baissé parce que c'est une pêche illicite avec les engins qui ne sont pas autorisés. Si vous causez avec les pêcheurs actuellement, ils vont vous dire, il y a 5 ans, 15 ans, 20 ans, j'allais pêcher pour quelques heures et je revenais avec une quantité importante de poissons. Actuellement, il y en a qui vous disent qu'ils font parfois toute une nuit pour revenir juste avec quelques poissons ou parfois revenir main vide. Quelles sont les mesures préconisées pour restaurer les stocks halieutiques et la responsabilité des gouvernements de ces 4 pays riverains du lac Tanganyika notre interlocuteur. La protection des saisons des frayeurs a fermé la pêche pendant une période donnée pour permettre la restauration du stock, mais aussi des autres acteurs de la filière de pêche. Les gouvernants ont pris à bras les corps ces problèmes. C'est sur cette base que, se référant aux résultats des études et les mesures d'aménagement des pêches qui ont été proposées, les gouvernements ont approuvé cette charte et ont décidé de pouvoir la mettre en œuvre. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h07 à Bujumbura et sur Isanganiro, la suite de ce journal. Les enfants en situation de rue au centre urbain de Muyinga se déplacent par petits groupes et se méfient de toute personne qui s'approche d'eux. Certains parmi eux avouent qu'ils ne peuvent pas vivre autrement d'où ils rôdent tout autour de la ville quand ils sont chassés. Venus Tendaïra Guigé de l'association Rema Wibondo qui milite pour les droits des enfants dit que le problème de ces derniers doit trouver une solution durable au sein de leur famille d'origine. Pierre Claver, Barundi, depuis Muyinga. Quand on arrive au centre urbain de Muyinga, on peut constater que le va-et-vient des enfants en situation de rue sont en baisse après la mesure visant à chasser clochards et mendiants. Cependant, ils sont toujours là et se promènent par de petits groupes de deux ou trois. Si vous tentez de vous approcher d'eux pour leur parler, ils s'éclipsent. Ceux qui ont accepté de parler à Radio Isanganiro disent qu'il n'est pas possible de retourner chez eux. C'est le cas de cet enfant qui prétend qu'il est à la recherche de la vie en ville. Ce qui m'a poussé à revenir, c'est la recherche de la vie. Où irai-je alors? Je n'entends vraiment pas vivre à la maison. Quant à son compagnon, en provenance de la commune de Guiterani, il bégaye de colère contre la mesure qui les chasse de la ville. Me chasser moi? Me chasser pour que j'aille où? Je n'ai ni papa ni maman. Je mène une vie difficile. Comment retournerai-je à la maison? Venus Ndaïra Guigé de l'association Rema Wibondo, qui milite pour les droits des enfants, fait savoir que tant qu'il y a des problèmes dans les familles, ces enfants existeront toujours. C'est le problème de leur famille qui n'est pas résolu. Tant qu'il en sera ainsi, ses enfants vont jouer au cache-cache. Selon lui, aucun enfant ne mérite de vivre en situation de rue, étant donné que même les orphelins ont des parents. Un orphelin a un oncle, une tante, des cousins. C'est peut-être un manque de volonté. Venus Ndaïra Guigé demande que l'administration s'implique pour s'attaquer au problème au niveau des familles de provenance de ses enfants avant de les expulser de la ville. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Claver. Et les habitants de plus de 10 collines de la commune de Mourgui en province Chivitoke grognent qu'ils viennent de passer plusieurs années sans eau potable. Au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, on indique que ce manque d'eau est dû pour la plupart aux racines des eucalyptus qui absorbent les eaux des sources. Le gouverneur de la province de Chivitoke demande à la population d'abattre les eucalyptus proches des sources et ceux se trouvant dans les champs. Il demande également à ceux qui veulent planter les arbres de demander la permission aux agronomes. Alexis Ndaïragiche. Les collines les plus touchées par ce manque d'eau potable en commune Mugui sont Waira, Rugano, Muzenga, Gacheke, Kivumvu, Rguire et Manegui. Les habitants de ces différentes collines affirment qu'ils viennent de passer plusieurs années sans goutte d'eau dans les robinets. Ils indiquent qu'ils se comptaient des eaux des rivières et celles des marais. Au sein du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, on indique que ce manque d'eau est dû surtout aux racines des eucalyptus qui absorbent les eaux des sources. Pour d'autres collines comme Kivumbu et Rguiri, les bonnes fontaines et les sources aménagées ont été démolies par les eaux des pluies. Le chargé du service de la régie communale d'eau de Mugui tranquillise cette population lésée et que le problème a été soumis à ces autorités hiérarchiques qui peuvent patienter. Le gouverneur de la province de Chibitoke, Karim Mzoza, demande aux propriétaires des plantations d'eucalyptus près des marais ou des sources d'eau de les abattre avant la fin du mois d'octobre pour ne pas avoir des sanctions. Il demande également à ceux qui veulent planter des arbres de demander tout d'abord des conseils aux agronomes. Depuis Chibitoke, Alexis Ndaïra Guigé, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndaïra Guigé. Ce mercredi et jeudi, la brasserie récupère les emballages et les boissons qui viennent de passer presque 4 ans enfermés dans le stock au chef-lieu de la province Karoussi. Ce stock de la Mraroudi qui desservait ses produits dans toute la province avait été fermé par l'autorité provinciale le 20 décembre 2018 suite au litige non encore élucidé entre cette société et le gestionnaire de ce stock qui a par ailleurs saisi la justice. En bref, en actualité internationale, après la France et le Portugal, l'Algérie n'est pas épargnée par les incendies. Au moins 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord du pays, a annoncé dans la soirée du mercredi 17 août le ministre algérien de l'Intérieur, Kamel Beljoud, qui a précisé que depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taille. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan doivent rencontrer ce jeudi 18 août à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au cours de cette rencontre seront discutées les exportations de céréales ukrainiennes, mais aussi la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est aux mains de l'armée russe et qui est visée par des bombardements depuis plusieurs jours. 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco Ouimana a passé un très bon après-midi.